la gueule, misérable petit saligaud. Avec toute cette sale crotte jaune qui a séché autour de tes yeux, à faire vomir. Eh bien, nous y voilà. Défais tes bagages, déballe tes petits trésors. Vera build you et rentrée chez elle. Avec une petite peste ramassée en chemin. Et alors, j'étais censé m'en passer pendant 5 années entières. Il s'en est passé, lui, tu parles. Il a fait des bâtards sur tout le continent. Enfin, il l'aurait fait s'il n'avait pas été capturé à Dunkerque. Au début, il voudra me défoncer le crâne. J'y perdrai sûrement quelques dents. Il me cassera peut-être le bras. Puis, il sera à l'idée. Ou il se tirera. J'en sais rien. S'il reste, il me faudra lui faire une demi-douzaine d'enfants. Bien à lui. Histoire de rattraper le coup, et quand il sera sur moi, il me faudra lui dire « Oh non, tu me fais mourir de plaisir !» En tout cas, pendant quelques mois. Il a toujours voulu penser que je mourrais de plaisir, il était content. Parfait. On est chez nous. Te défoncer le crâne. T'as l'air en forme, Vic. T'as jamais écrit. Rien à dire. 5 années derrière des barbelés. Tu sais bien que les lettres, c'est pas mon fort. Ah, j'en ai commencé une, puis je l'ai abandonnée. Je voulais la reprendre. Oh, elle doit être là, quelque part. Te fatigue pas. Non. Bon. Je suis là, maintenant. Il est de qui ? De nous. De nous ? Je pouvais lui mentir. J'aurais pu lui dire que je l'avais trouvé dans les ruines d'une maison, après un raid aérien pendu au téton de sa mère morte. De qui tu crois qu'il est ? Bon Dieu ! On obtiendra sûrement un préfabriqué. Au bord du terrain municipal. Si tu t'en souviens, la maison était humide. Hein. C'est pas plus mal qu'elle ait été rasée. À part pour ta mère. Ça, c'était triste. Nom de Dieu. Victor. Allons, Victor. Ravale ta fierté. C'était affreux ce travail à l'usine de munitions. Mais j'ai mis de côté quelques sous. Je les ai déposés à la poste. J'ai échappé de justesse à un accident, j'en ai eu la chair de poule. Selon leur estimation, 20 filles sont mortes dans cette explosion et des centaines d'autres y ont perdu des bras et des jambes. Le patron est venu à l'enterrement, il pleurait. J'étais surprise de voir ça. Mais on a eu un jour de congé, ça au moins c'était agréable. Tu ferais mieux d'aller chercher les tickets de rationnement. C'est ainsi que j'ai été sauvé une fois de plus d'une mort violente. Et que le vieux s'est épargné la culpabilité d'un infanticide qui, le connaissant, lui et son goût de la détresse, l'aurait certainement poussé à se pendre, à avaler du verre pilé ou à se faire remarquer d'une façon ou d'une autre. La Griffe, Odyssée de Howard Barker, traduit de l'anglais par Jean-Michel Desprats et Nicolas Riponce. Une réalisation de Michel Sidorov. Avec Denis Lavant, Christine Gagneux, Jean-Louis Greenfeld, Sophie Bouilloux, Dominique Guillard, Stella Serfati. Victor ne m'a jamais frappé. Mais il n'a jamais adressé la parole à Noël. Pourquoi Noël ? Ceux qui servent en mer. Quoi ? Le film. Ceux qui servent en mer. J'ai été coupé du monde derrière des barbelés pendant 5 ans. D'après la pièce de Noël Coward, une semaine avant qu'il ne fasse son apparition, on m'a emmené au Cinoche. Et là, j'ai vu Noël. Ça m'a paru aller de soi. Un type m'a emmené au Cinoche. Tu l'as déjà dit. Un mec, Victor. Sois jaloux, Victor. Colle-moi une beigne. Ça te fera du bien. Le mardi, on joue au football dans la cour. J'étais goal. Anglais et polonais contre américains. Le ballon était fait de bouts de chiffon noués avec une corde. Quelqu'un l'a envoyé très loin. Il a roulé et s'est arrêté juste de l'autre côté de la ligne blanche où le gardien faisait sa ronde. Aucun prisonnier n'était autorisé à franchir cette ligne. C'était la règle. Mais ils m'ont tous crié dessus, « Vas-y Victor, ne traîne pas. » Alors je suis allé jusqu'à la ligne. Et je suis resté là, à attendre, au cas où. Mais ils continuaient à me crier dessus, « Prends-le !» Je me suis donc penché pour le prendre. Et le gardien s'est pointé et m'a foutu un coup de pied dans les couilles. Nous ne pourrons pas avoir d'enfants. C'est moi qui ne peux pas. Pas de problème, Victor. Nous n'aurons pas d'enfants. En attendant, on va chercher les tickets de rationnement. Mrs. Bildu s'occupe du poêle à mazout. Entre Noël, vêtu de pantalons courts et d'un blazer d'écolier, portant des lunettes à large monture. Le cortège du couronnement vient de passer. Ah bon ? Des tas de chevaux, des flics avec des drôles de tenues. Passe-nous le bidon de mazout. Après leur passage, il y avait du crottin de cheval partout. Les gens allaient le ramasser, le mettaient dans leur mouchoir. Ça vaut de l'argent. Trouve-nous des allumettes. À l'école, ils nous ont donné un crayon et un mug. Ils nous ont dit de les garder toujours précieusement, même quand la mine serait usée. Ils m'ont dit de mettre le mug sur la cheminée. Tu ne vois pas d'inconvénient. J'en ai 30. 30 mugs ? Je les ai échangés. Contre quoi ? Contre un coup d'œil. À quoi ? À Joan Preston, derrière les toilettes. Petit salopard. J'ai fait moitié-moitié avec elle. Tu vas les rapporter. Je t'ai apporté 30 mugs. Tu vas les rapporter. Tu dis toujours que nous n'avons pas de vaisselle en porcelaine. Tu m'as entendu ? Rapporte-les. Non. Ça n'a plus de sens maintenant de les rendre. Si ? Bien sûr que non. Je vais les chercher. Ils sont bien, non ? C'est quoi, ça ? Quoi ? Ça ! Des mugs ! Tu as trouvé des allumettes ? On est comme dans un iceberg dans cette maison. C'est quoi, ces mugs ? T'occupes pas des mugs ! T'as trouvé un travail ou pas ? On m'a fait des propositions. Et tu les as acceptés? J'y réfléchis. Ça, c'est le bouquet. 6 mois au chômage... J'y réfléchis. Il n'y a pas le feu. Donne-nous 3 livres. Non, 4. Pourquoi? Le charbon, la nourriture, l'électricité. Je peux pas. Et tu y réfléchis. Lui, il sort et il revient avec un service à thé. Toi, tu sors et tu rentres les mains vides. Lui, il a 9 ans. T'as quel âge, toi? Il les a piqués. Non, il les a pas piqués. Il les a échangés. Je suis pas un cheval de labour. J'ai une vie, moi. J'aurais dû rester à Birmingham. J'avais des offres d'emploi. À l'heure qu'il est, on aurait peut-être une voiture. Moi et celui avec qui j'étais. Une Vauxhall avec toit ouvrant et des pneus blancs. J'ai fait la connaissance de ce type. Et il m'a demandé si j'avais lu Das Kapital. Das quoi? Je lui dis. C'est sur l'oppression des travailleurs, il me dit. Non, je ne l'avais pas lu. Lis-le, il me dit. D'accord, je m'y mets. Je comprends la première ligne, puis la deuxième. La troisième, j'hésite, mais je continue. Je saute la quatrième. Je reconnais des mots bizarres dont je ne comprends pas le sens. Je saute les 2 lignes suivantes. J'abandonne ce paragraphe. Je continue. Je comprends pas. Putain, que je suis ignorant. Je retourne donc voir ce type. Je peux pas lire Das Kapital, je lui dis. Je suis ignorant. Et il me tend le manifeste du Parti communiste. Non, merci. C'est court, il me dit. Je l'étudierai avec toi. Et pendant 1 demi-heure après le dîner, il l'étudie avec moi. Tous les jours, à la cantine, au milieu de tout ce raffut, les mots de Karl Marx. Noël a été mis à la porte. Allez! Viré de l'école! Je l'ai vu venir, ça lui pendait au nez. Trouve-lui un boulot. Comme quoi? Mets-le en apprentissage. Je ne suis pas le chef du personnel. Tu es bien avec le délégué syndical. On est amis. Aide-le! Espèce de crétin! 1 semaine avant ton brevet des collèges! Ça mène à rien. Je constate que l'accumulation de diplômes est une impasse. Sur le formulaire d'expulsion, ils l'ont qualifié de perfide. Ils disent qu'il se cachait derrière ses lunettes. Ils disent qu'il se servait de son handicap comme d'un moyen de défier l'autorité. Le prof de gymnastique m'a confisqué mon appareil photo. Apparemment, il prenait des photos de filles dans les douches. Ça les flattait. Elle faisait la queue pour se porter volontaire. Il les vendait aux journaux. Inutile de me dire tout ça, je l'ai vu venir. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux du thé. Ensuite, je réfléchirai à mon avenir. Soit je fais l'effort d'être un bon citoyen, soit je jette mon argent par les fenêtres, je fais le tour des places de village à moto, à fond la caisse, et je m'attaque aux vieux qui rentrent chez eux avec l'argent des paris. À quoi ça rime? Putain. Il a parlé. Il s'est adressé à moi. Il a parlé. Faut téléphoner à un médecin. Comment dit l'ambulance? Il m'adresse la parole. Écoute. Laisse tomber. T'entends ça, Victor? Je suis si contente. Dégage. Mon Dieu. Laisse-nous seuls. Tu n'es pas mon fils. L'idée m'avait effleuré. Même ta mère ne sait pas qui est ton père. C'est pas un problème. Peut-être que j'en ai jamais eu. Peut-être que je suis le fruit de l'Immaculée Conception. Dès l'instant où j'ai posé les yeux sur toi, je t'ai détesté. J'ai souhaité ta mort. Quand tu as eu la scarlatine, j'allais à l'église pour prier, mais pas pour ta survie. Non. Pour que tu crèves. Ouais. J'espérais que le diable m'entendrait et qu'il t'emporterait. Je pense qu'il m'aime plutôt bien. Tu as foutu en l'air mon bonheur. Pendant 16 ans, je t'ai regardé avec des envies de meurtre dans le cœur. Joli personnage. Tu as senti les regards assassins que je te lançais à l'autre bout de la table au petit déjeuner. Que je traversais la nuit les murs de la chambre où je transpirais dans le noir. J'ai l'habitude d'être haï. Dès le premier jour à la maternelle, ils m'ont pris en grippe. À cause d'elle, de mes lunettes. Ils ne m'ont jamais laissé une chance. Ils n'ont jamais dit « Noël, qu'est-ce que tu sais faire ? Tu collectionnes les timbres ? Tu veux bien faire partie de notre équipe, Noël ?» Ils me haïssaient dès le départ, comme une maladie. Tu me faisais pitié. Te force pas. Même au moment où je te détestais. Ouais, bon. Jusque-là, rien de surprenant. J'ai pas fini. Hein ? J'ai raison, n'est-ce pas, de penser que tu as de la rancune. Tu es en colère, Noël. Corrige-moi si je me trompe. Voilà ce que je veux te dire. Je pense que tu ne devrais pas gaspiller ta colère. Ne gaspille pas ta précieuse colère, Noël. Utilise-la pour les travailleurs. Les travailleurs? Tes semblables. Ta propre classe. Allez. Ils ont besoin de ta colère. Un grand mais à leur fin, serre-les. Que je serve qui? Ces cons qui me cachaient mes lunettes pour que je tâtonne dans la cour de récré, les mains tendues? Qui m'appelaient le bigleux et connard d'aveugle? Et qui me faisaient tomber à plat ventre? Que je les aide? Je n'ai jamais été Noël pour eux. Seulement le binoclard qui s'arrangeait toujours pour mettre les pieds dans leur vomi. Raison de plus pour contribuer à leur progrès, Noël. Dans une société injuste, les faibles sont toujours les persécutés. De même qu'ils te brutalisaient, ils sont brutalisés par le système. Mais quand le système s'écroulera, il en sera de même pour toutes les formes de cruauté. Et les gamins qui ont une mauvaise vue seront aimés, même par leur beau-père cocu. C'est trop tard pour moi. Venge-toi. Voilà où j'en étais à 16 ans, à songer à l'insurrection du prolétariat et à me demander si le vieux avait raison, comment j'étais censé le mener vers la lumière, rejeter ses chaînes et ainsi de suite, et canaliser ma haine dans la riposte politique la plus juste. C'est quoi ça? Un badge. M'énerve pas, ça signifie quoi? Jeunesse communiste. Mon badge! Que je te reprenne plus à fréquenter cette engeance. Pourquoi? Inscris-toi à la maison des jeunes s'il faut que tu sortes. J'aime bien les jeunesses communistes. Tu les aimes? Tu aimes des types minables qui veulent rendre le monde entier aussi malheureux qu'eux? Ils m'aiment bien, eux. Ils m'appellent Trotsky. À cause de mes lunettes. Noël. Tu pourrais faire des choses bien. Tiens-toi à l'écart de tout ça. Tu es futé, pas comme le vieux. Lui, il a rien. Il s'est desséché. Au lit, être allongé à ses côtés, c'est comme dormir avec un cadavre. Toi, ne sois pas comme ça. Tu peux t'en sortir. Ne te gaspille pas. Sois libre. Salut. Nora. Tu reviens des jeunesses communistes? Peut-être. Je t'y ai pas vu. J'y ai pas été. Pourquoi? Trotsky. Tu voulais quelque chose de particulier? Pas vraiment. Enfin... Je suppose... Je sors un moment prendre l'air. Lugubre. Notre environnement. Vraiment lugubre. Vaut mieux vivre ici que dans les grands ensembles. J'aime bien les grands ensembles. De l'intérieur, on peut voir au-delà de la centrale électrique. Et encore au-delà, les petites lumières des restaurants de Chelsea. Nous brûlerons Chelsea. Tu t'en chargeras, toi. Toi aussi? Ah, ce n'est pas encore le moment. Peut-être. Donc, dans l'intervalle, exploite tes chances. Mais quand ce sera le moment? Ça n'est pas le moment. Quand ce sera le moment? Nous verrons. Quand tu y réfléchis, t'en penses quoi de l'amour libre? Je suis pour. Je veux dire, le caractère sacré du mariage, par exemple, ton opinion là-dessus? C'est un préjugé capitaliste qui repose sur la notion de propriété. C'est bien ce que je pense. Ça te dirait de faire des affaires avec moi? Des affaires? Du commerce. C'est un gros mot. Disons, un échange de biens et de services sans exploitation des masses. T'as quoi en tête? Que tu travailles comme mannequin. T'as quoi en tête? Que t'ailles avec des hommes. Salaud! Tu l'as déjà fait. Ah bon? Aux jeunesses communistes. Ah bon? Allez, à part moi, tu t'es tapé toutes les jeunesses communistes. Ah bon? De l'argent, vite gagné! Infect petit parasite. Écoute-moi. J'ai pas envie de mourir dans ce trou pourri. Je peux être comme mon vieux, ou comme ces connards des jeunesses communistes, qui attendent tous, qui attendent que ce soit le moment. Je veux pas percevoir les lumières qui brillent à travers la fumée de la centrale le jour où le vent sera favorable. Je vais être là-bas, Nora. Je vais être là-bas, accroupi sur leur visage, crachant mon acide dans leurs yeux. Ne viens plus aux jeunesses communistes. Nous ne te reconnaîtrons plus. C'est un acte politique! C'est pas de la théorie. Il s'agit pas de discuter le coup pour la millionième fois dans la cellule du Parti révolutionnaire international de Battersea. Il s'agit d'agir. De mettre de l'anthrax dans leur nid douillet. Et quelle est ma part? Moitié-moitié. Non. D'accord. 60-40. Leur baisser leur slip dégueulasse. Pour la gloire de la classe ouvrière. Comment est-ce qu'on commence? Ici même. Ce soir, on commence petit et local, puis on élargira notre horizon. Il n'y a pas de bourgeois dans cette rue. Bien sûr que non. C'est seulement pour se faire la main. Ouais, c'est bon. Le premier gars qui passe, je lui fais la proposition. Et s'il est affreux? Faut bien commencer quelque part, non? Ça n'a pas de sens de nous soumettre à quelques préjugés d'ordre esthétique. C'est un apprentissage. Le premier gars, il te dégonfle pas. Maintenant, va derrière le mur, d'accord? On ne peut pas faire ça dans la rue, c'est illégal. Confortable ? Oh, c'est dégueulasse ici ! Oh, nom de Dieu ! Et s'il y a des draps ? Il n'y a pas de draps ! Bon, maintenant tu restes là. Il fait noir ! Ta gueule ! On aurait peut-être dû aller en ville. Il y a quelqu'un qui vient. Tiens-toi prête. Salut. Quoi ? Moi ? À quoi tu joues ? À rien, monsieur l'agent. Ah. Tu aimes les endroits bombardés, c'est ça ? J'ai rien contre. Je te retiens pas ? Non. Qu'est-ce qui cloche dans tes yeux ? Rien. Tu vois clair ? Ouais. Dis-moi quand tu me verras flou. C'est quoi ça ? Oh, simple curiosité. Et là ? Hein ? Là ? Ouais. Ne me dis pas que tu me vois encore. Écoutez ! Prends pas la mouche. J'avais jamais vu des lunettes pareilles. Sacré handicap. Des yeux comme ceux des poissons rouges dans leur bocal. Vous aimez les filles, monsieur l'agent ? T'as dit quoi ? Vous aimez les filles ? Sois pas impertinent, Binoclard. Si vous en voulez une, elle est à vous pour une livre. Qui est à moi ? Là-bas. Tu fais tes premières armes, hein, petit ? Pas vraiment. T'es nouveau dans le business ? Tu m'agaces. Tout ça, c'est nouveau pour toi. Une livre. C'est ta petite amie, hein ? Hein ? De l'autre côté du mur ? Ouais. Les nouvelles dans le métier ? Toutes nouvelles ? L'agent de police fouille dans sa poche, sort son portefeuille et tend un billet d'une livre. Voilà, c'était fait. Je venais de me prouver que je pouvais le faire. Plus rien ne pouvait m'empêcher de continuer. En avant, vers des choses plus importantes. J'étais prêt pour Chelsea, avec mon premier billet d'une livre. J'aurais dû lui dire à elle que c'était 10 shillings. Après tous ces risques. Tout s'est bien passé ? L'agent de police prend le portefeuille de Noël, récupère son billet et jette le portefeuille par terre. Tu m'agaces, Binoclard. Comment tu as pu ? De tous les clients possibles, il t'a fallu choisir ce lumpen prolétariat. J'avais la chair de poule. Je me suis sentie tellement dégradée, mais comment as-tu pu me dégrader avec un ennemi de classe tel que lui ? Mes lunettes ! Je suis souillée ! J'ai mal ! Bien fait. Et puis donne-moi ma part. Je peux pas. Pas de problème. Je vais prendre ton blouson en attendant que tu me donnes ce que tu me dois. Mais je vais geler. Hourra ! Il a levé la main sur moi. J'ai été frappé. On ne me frappera plus. On ne me frappera plus jamais, je le jure. D'abord, je vais leur arracher la peau. Puis, je vais leur déchirer le visage et l'arracher de leur crâne. Je serai une grosse griffe prête à les labourer, qui leur ouvre le ventre comme un fruit bien mûr. Écoutez-moi bien, moi, le Trotsky des jeunesses communistes, j'en fais la déclaration ce soir. Notez ça dans vos agendas. C'est moi qui les grifferai d'abord. Tous les après-midi, chez Fortnum, je me fais servir. Et à 5 heures, un taxi vient me chercher et me ramène à la maison. Gavé de pâtisserie, avec des relents d'angélique et de cerises confites, des rots de crème chantilly. D'où vient l'argent? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Ici, ils te traitent comme quelqu'un d'important. Ils ramassent ton cornet de glace si tu le fais tomber. Ils t'en donnent un autre. Le crime. L'argent du crime. Ta gueule, Bidio. Ce sont les profits sordides d'activités criminelles. Je te réglerai ton compte quand je rentrerai à la maison. On peut pas dire que je me sois fait tellement d'amis, bien que les autres habitués me saluent. C'est l'ambiance. Les chandeliers. Ce joli linge de maison et la musique, c'est comme dans un rêve. La griffe est là. Mais ne t'assois pas comme ça. Pourquoi pas? Ici. Pas de problème. Je viens ici tous les jours. Va chez Harold's, va chez Freebody. S'il te plaît, Noël. Je crois que tu ne devrais pas venir me voir. Pourquoi? À l'abri. Tu vas finir par casser cette chaise. Ton père pense que tu vis d'activités criminelles. C'est vrai? Vous désirez? Tu t'appelles comment? Christine. Tu pourrais faire mieux que ça dans la vie, Christine. Ne faites pas attention à lui. Vous voulez du thé? Montre-moi tes cuisses. Oh. Espèce de bête immonde. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je suis heureuse ici, ne viens pas tout gâcher. Ne t'attends pas à me voir très souvent à l'avenir. Pourquoi? Mobilité sociale. Je suis ta mère? Je monte dans l'échelle sociale. T'es déjà monté? Plus haut. Tu es mon fils. Je t'enverrai des paniers de provisions. Comment oses-tu? Cette table est à toi. À perpétuité. Noël, s'il te plaît. Vous désirez? Christine, veux-tu gagner un fabuleux salaire? Veux-tu avoir plein de choses à toi? Manger au restaurant avec des gens célèbres. Ne me laisse pas seule avec le vieux. S'il te plaît. Je ne supporterai pas coincée avec lui, son visage de mort, la télévision qui bourdonne. Je ne suis plus très jeune, Noël. Je t'ai porté sur mon dos, sur l'autoroute. Comme un investissement? Comme un projet que tu mûrissais? Je suis humaine, Noël. Cesse de t'en vanter. Tu ne m'aimes pas? Pas du tout, alors. Tu n'as pas de sentiment. Oui? Tu peux simuler un orgasme? Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça rapporte quoi? La prospérité. Prends une chaise. Et moi, alors? Une minute. De mèche avec des criminels. Je te l'avais dit. Simple formalité, Christine. Je crois bien qu'il me faut voir tes cuisses. Sale petit dégueulasse. C'est de là que viennent tes cornets de glace. Je présume que c'est du mannequinat de haut vol. Je ne veux rien avoir à faire avec une clientèle vulgaire. Rien au-dessous d'avocat. Comment tu trouves ? Convenable. Convenable, c'est tout ? Je ne pense pas que tu seras élue Miss Monde. Moi, je veux pas être Miss Monde. Je cherche un revenu correct, comme tout le monde. Noël, tu vis des filles. J'aurais pu arracher mes vêtements. J'aurais pu jeter mon sac à main, mes chaussures en peau de crocodile et mes gants de soie dans le caniveau. J'aurais pu me laver la bouche avec du savon antiseptique tellement je me sentais écœurée, exténuée, trompée et salie. Je te l'avais dit. Et puis je me suis dit, ce qui est fait, est fait. Il n'y a pas de justice, sinon j'aurais déjà été récompensée depuis longtemps. Pourquoi jouer les vierges effarouchées ? J'ai retiré ma petite part de bonheur de ces mauvaises manières. Cette table chez Fortnum & Mason que je dois entièrement non au gouvernement ou à la charité des riches, mais à la courtoisie de Noël Bildew. Faut bien prendre ce qu'on nous donne, quitte à payer, s'il le faut, le jour du jugement dernier. Je suis plus jeune, je m'en accommoderai et fermerai les yeux sur ce qui ne me plaît pas. Une petite malhonnêteté ne changera pas la face du monde, si ? Noël. La Griffe. Pardon ? Mon nom, La Griffe. Navré d'avoir fait la fine bouche. Je te présente Christine. Elle a signé avec moi. C'est une bonne chose. Christine, ma maman. Enchantée de faire votre connaissance. J'ai trouvé où caser maman. Elle sera responsable de la garde-robe. Oh Noël ! Je suis si heureuse. La Griffe. Christine, commande des gâteaux. D'accord. Entre Bildew, qui tient un portrait encadré de Karl Marx. Ils le regardent tous ahuris. L'émotion l'agite. Qui t'a laissé entrer ? On n'est pas dans un quelconque salon de thé, Bildew. T'es descendu dans la rue comme ça avec ton tableau ? On a dû te prendre pour un couillon. Attends-moi dehors. Près de l'arrêt du 68. Vite, allez. Karl Marx pleure. Une part de tarte à la crème. Vous le dressez, espèce de ver grouillant sur un cadavre d'asticot d'eau croupie. Minable vieux schnock. Bildew, tu nous gênes devant les autres. C'est le but, il en vient des tas comme ça ici. Des frimeurs, des hippies, des moines au crâne rasé, toute la smala. Apprends une chaise. Oh non merci. Bildew, rentre à la maison. Je suis venu ici en mission pour détruire la décadence. Tu n'aurais pas mal lu les textes fondateurs ? Qu'est-ce que tu en connais, toi ? J'ai un peu fréquenté les œuvres. Il me semble que l'essentiel du diagnostic de la vieille barbe était de hâter la corruption, pas de lui courir après avec une pelle et un balai, ce qui me confère un statut de héros. Alors assieds-toi et ferme ton clapet. Écoute. Ver de terre putride, nourri sous mon toit. Pas un ver, un jaguar. L'impétueux étripeur des troupeaux paresseux. La griffe rouge dans les intestins des suralimentés. Salaud ! Se prend pour Laurence d'Arabie. Il veut s'effacer avec le panache miteux d'un héros de l'impérialisme. Pas cette chance. Pour toi, le chemin dur et amer de la lutte des classes. Même si tu te tords les boyaux pour l'esquiver, tu ne peux pas l'esquiver. C'est écrit. Tes rêveries individualistes ne mènent qu'à l'abîme du dégoût de soi. Ta gueule ! Réveille-toi, la griffe. Mise en liberté conditionnelle. Mise en liberté conditionnelle. Putain de mise en liberté conditionnelle. Tout le monde est en liberté conditionnelle. Ah non, pas toi. Toi, tu vas rester moisir en prison. Si je te laisse sortir, tu vas aller commettre un autre crime, j'aurai l'air d'un pauvre con. Les assistantes sociales sont de mèche avec eux. plus de coupables dehors que dedans, ce que je vois. Pas toi. Je me souviens de toi, qui jurais de castrer le juge, si mes souvenirs sont exacts. Aucune prison ne me retiendra. Grande gueule. Maintenant, tu te traînes à genoux pour demander ta mise en liberté conditionnelle, répugnant spécimen. Le salon d'une résidence luxueuse de Chelsea. Clapcott, ministre de l'Intérieur, est assis dans un fauteuil. Il travaille sur un document barrant des noms. Oui. Oui. Oh, oui. Oui. Oui. Oui, des petits détourneurs de fonds timorés, oui. Oui. Des assassins d'enfants. Mais qu'est-ce qu'ils croient ? J'avais clairement dit que personne ne me démolira dans la presse pour des assassins d'enfants compulsifs. C'est de l'impertinence. Ils traînent dans les lieux publics en exhibant leurs bidules. Ils sont pris de folie, en palin d'enfants, ça coûte une fortune de les dénicher. Mes yeux sont fatigués. Je devrais mettre des gouttes. Le reste, c'est des noms. De toute façon, aucune gratitude. On même pas la courtoisie d'envoyer un petit mot. Je ne demande pas de la grande littérature, seulement un peu de gratitude. Tu n'étais pas censé rentrer ce soir. Sa femme est en ville. Il m'a demandé si je voulais aller à l'hôtel. J'ai dit non, oublions charnel. Il a eu l'air défait comme un écolier que l'on prive de son dessert. Peu importe, je n'avais pas la tête à ça. Il avait l'air flasque. Je me suis sentie mal après la cassate. Il m'a appelé un taxi et me voilà. J'avais plutôt dans l'idée d'être seule ce soir. Je vais aller me coucher. Si cela ne te dérange pas. Tu le veux peut-être ? Le lit ? Non, je ne veux pas le lit. Cela m'aurait étonné. On ne chie pas sur son propre palier. C'est ce qu'on apprend dans les écoles privées. Qu'est-ce que tu peux en savoir, toi ? C'est pas vrai ? Tu es allée dans une école privée ? Tu sais foutrement bien que non. Ferme-la alors. Oh mon chéri. Une soirée de merde avec les dossiers de la prison, 2 heures avec la liste des mises en liberté conditionnelle, et tu te conduis comme un magistrat d'Isbourg. J'étais assis là, tranquillement plongé dans un travail sur lequel reposent les espoirs et le bonheur de plusieurs centaines de gens. Mes yeux sont fatigués, mon esprit est plein de doutes, extrêmement sérieux. Et tu te pointes à l'improviste, te bavassant comme une pute ivre, et tu voudrais que je sois drôle. Jamais de la vie. Tu t'es envoyé en l'air, à vous. Plus ou moins. Tu n'as jamais été drôle. Pas une seule fois depuis notre première rencontre. Jamais drôle. Tu n'étais pas obligé de m'épouser. Maintenant, si cela ne te dérange pas, j'ai un visiteur. Je sais tout cela, Jojo. Mais il m'arrive parfois d'être un peu curieuse. Le murmure des voix d'hommes politiques dans le salon. Le bourdonnement de la conspiration qui fait tourner le cirque politique. Je ne peux pas rester. Non. Je ne dirai rien. C'est une réunion au sommet. Ben évidemment. Je ne te demande pas d'assister à tes minables week-ends. Non. Un bon point pour toi. Tu n'es pas masochiste. Va te coucher. Tu y vas, toi ? Mon travail, avant tout. Le reste, c'est de la merde. Bonne nuit. Tu sais, Tu aurais dû demander le divorce quand le Premier ministre te l'a conseillé, quand tu n'étais personne. La troisième en partant du fond, dans la comédie musicale Carousel. Des jambes qui n'en finissaient plus. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux d'elle. Et des cheveux couleur cuivre, dans la lumière des projecteurs à vous couper le souffle. Chacun de ces mouvements, je le ressentais comme un appel qui m'était destiné. Nous nous sommes mariés en l'église Saint-Martins en février. Il neigeait dans le vent, les photographes des journaux qui se mouillaient en nous attendant. Et elle a remonté l'allée centrale et s'est placée à côté de moi. L'orgue jouait toujours et je lui ai susurré « De quelle couleur est ta culotte ?»« D'aucune couleur », a-t-elle répondu. « Comment ?»« Transparente », ai-je dit, dans un souffle. « Non, je n'en ai pas », a-t-elle répondu. À cette idée, j'ai failli m'évanouir. Le Premier ministre m'a convoqué dans son bureau. Le vieux castor m'a jeté un œil noir, ses demi-lunes reflétant la lumière du soleil qui filtrait entre les horse guards. « Georgie, a-t-il dit, soyez ferme. » J'ai dû avoir l'air gêné. « Votre actrice, a-t-il dit, a le feu aux fesses. » Elle était dans son bain, en train de se raser les jambes pour être précis. Alors je suis entré et j'ai dit « On m'a apporté la preuve que tu as une liaison. » « T'es parti de jambes en l'air, lui ai-je dit. M'ont coûté le ministère des Finances. » Je me souviens qu'elle m'a simplement regardé et qu'un seul mot s'est échappé de ses lèvres. « Youpi !» Tombe son gazon sans qu'un fou veuille vous faire sauter le caisson. Tristez pas. Whisky ? Merci. C'est cyclique, cette perte de poids. Cette sorte de vacuité morale, comme un tarissement moral, c'est bien notre veine d'être coincé au fond du gouffre. Des glaçons ? Merci. J'ai suivi 10 jours d'initiation au combat sans armes. Sinistre farce. Nous nous roulions sur des nattes de fibres de coco au sous-sol du ministère de l'Intérieur. Partout où j'allais, ce fourgon de la police me suivait, rempli de nattes. Il en dépliait une et je prenais une leçon partout où je me trouvais. J'y ai gagné des contusions multiples le long de la colonne vertébrale. Vous inquiétez pas, j'enlève les balles. Allez-y, menacez-moi, brandissez-le, essayez de me détester, supposons que vous êtes arabe, prenez un air violent, bien, pour commencer je la joue en douceur, je vous donne une impression de fausse sécurité, ça se présente comment attendez, oui, bien, je veux que vous sachiez qu'au fond de mon cœur, les problèmes de votre peuple, vous êtes arabe, bon, si vous êtes irlandais j'ai un texte différent, vous voyez, d'accord, que les problèmes de votre peuple me préoccupent au plus haut point et qu'en ce moment je suis, c'est là que ça se joue. Vous voyez, suggérer qu'il y a des éléments nouveaux en négociation secrète avec le Fonds de Libération. Là, la main qui porte l'arme est censée tomber un peu. Oui, oui, comme ça. Votre vigilance est endormie, vous voyez. En négociation secrète avec le Fonds de Libération pour relâcher immédiatement tous les membres qui... Oh, ne tirez pas ! Vous vous y attendiez. L'idée, c'est de les embrouiller en leur suggérant que leur action est superflue. On suppose qu'ils parlent en... convenablement notre langue. En cas d'échec, il faut crier « Ne tirez pas !» comme une sorte d'ultime appel. Là, la situation est plutôt désespérée. Bon. En un mot, de longues jambes. Je ne veux pas de boulotte. Rosie ne vous a pas plu alors ? Pas de jambes. Et ennuyeuse à mourir. Ah non ? Elle a une licence ? D'où ? De la fac des sexes, je crois. C'est pas ce que j'appelle une université. De toute façon, elle était trop bavarde. Pensait qu'elle pouvait surveiller les clients d'extrême gauche. Voulait plus ou moins être espionne. Chiante à souhait. Je suis désolé. Qui était celle que j'ai vue à la conférence du parti ? Stassé. Je m'en souviens plus, mais elle avait de sacrées jambes. J'ai une photo là, quelque part. Grande bouche, brune. Une pointe de vulgarité. Oui, c'est elle. Peut-être bien. Je pensais que peut-être vous aimeriez quelque chose de nouveau. Ma foi, oui, bien sûr. Je pensais que peut-être Lindsay ou Annabelle. Montrez-moi. Elle est rousse ? C'est une vraie rousse. Réellement ? Puis-je me servir un verre ? Oui, bien sûr. Elle a été dans une bonne école ? Oui, Suisse. Oh, un accent étranger. Non, une institution pour jeunes filles. Mais elle peut prendre l'accent, si vous le souhaitez. J'aimerais beaucoup. J'en prends note. Oui, je vous prie. Affaire conclue ? Je pense. Qui est-ce ? Ah, c'est Nora. Nora ? Oui, nous avons commencé en tandem et je l'ai gardée depuis... Elle gâche le catalogue. Oui, c'est un truc sentimental, c'est tout. Moche comme tout. Hein. Un corps en forme de cul de lapin. Contrairement à ce que vous pensez, j'ai eu des demandes. Incroyable. Un visage en vomi de chat. Sale porc ! Je suis vraiment désolé. Je dois vous demander de partir. Ne partez pas. Si vous voulez bien, Bill Dew. Bats les pattes, on ne bouge pas ! Ça va vous paraître bizarre, mais je suis obligé d'insister. Réunion au sommet. Jojo, tu es une merde. Ferme ton clapet, salope ! Je m'appelle Angie. Ravie de faire votre connaissance. Jojo me garde cachée. N'est-ce pas, chérie ? Comme une honteuse parente syphilitique. Reléguée au grenier. En fait, je suis son épouse depuis le 15 février 1952. Je suis désolée que vous ayez été exposée à cela, Bill Dew. Je suis sûre que vous n'insisterez pas pour eux. Bill Dew, quel nom affreux. J'en ai hérité. Peut-être, mais changez-le. Je m'appelais Myrtle Ackroyd. Mais aujourd'hui, je m'appelle Angie Diamond. Tout le monde peut changer de nom. J'aime mon nom. Tapis derrière les rideaux comme une voleuse minable. Je mourrais d'envie d'être témoin de la tension douloureuse qu'entraîne une décision politique majeure. Ce n'est pas ma faute si on m'a trompée. Tu es ivre ? Non. J'ai eu seulement un éclair aveuglant de lucidité. J'ai vu le clinquant et le mensonge de ta vie. Bill Dew, si vous n'y voyez pas d'inconvénient ? Oh non, il ne peut pas partir maintenant. Il pourrait partir avec une impression complètement fausse. Il pourrait faire savoir que nous ne sommes pas... compatible. Perfide garce insensible. Avec ces relations, il y aurait un scandale assez retentissant pour soulever les sales jupes du parti Tory. Et alors, que deviendrait ce pauvre Chouchou ? Ces disputes sordides et interminables... C'est vrai, l'atroce misère des vérités conjugales comparée à votre pureté mutuelle. Il est forcément bouleversé. Puis-je feuilleter ce catalogue ? Qui était-ce déjà ? Lindsay ou Annabelle ? Il lui faut absolument de longues. Ah, la monotonie de ses goûts. Cheveux roux. Tour de poitrine 90. Il lui faut aussi des costumes de chorus girl. Ta gueule! Il a une chimie très stable, notre Jojo. Il engloutit toujours le même plat. Vous devez trouver Jojo et ses potes affreusement pitoyables. Je veux dire, je savais qu'il devait jeter sa gourme quelque part, mais par l'intermédiaire d'un... Comment vous désignez-vous? Un macro. Est-ce que... Voilà, d'accord. Tu as fait une grande découverte. Félicitations. Ta sale petite ruse à payer. Ne t'inquiète pas. Il n'est pas possible que tu chutes dans mon estime. Tu n'imagines pas que ça me trouble. Ne fais pas l'idiot. Bien sûr que ça te trouble. J'en étais presque arrivée à penser que tu t'en passais. Ou que tu te livrais à des activités atrocement convenables. Mais non, tu es une vraie merde. Quel âge avez-vous? 27 ans. Si jeune et si... Combien gagnez-vous par an? Ne sois pas impertinente. Réagissant aux pressions publiques, Jojo travaille sur une loi visant à éradiquer les gens de votre espèce. N'est-ce pas, Jojo? Va te coucher. Oui, je vais y aller. Combien pour l'INSEE? Combien? 200 livres. 200 livres? Pour ces pitoyables petits efforts. Et dire qu'il y a des gens qui vivent avec 10 livres par semaine. Je la regardais. Je la regardais et je voulais lui mordre le cul. Eh bien, maintenant, vous savez, n'est-ce pas? Les fardeaux privés que doivent supporter les personnages publics. Essayez donc de sourire avec ça derrière vous. C'est comme d'avaler des élastiques. Je ne m'étais jamais rendu au domicile d'un homme politique. Chez des PDG et des avocats, oui. Leur maison a une odeur. Ça sent les contorsions continuelles. Notez bien, mon odorat est très sensible, parce que j'ai la vue si basse. La nature est généreuse comme cela. La maison de ma mère sentait la panique. Et ici? Ça sent quoi? Le mépris. C'est le parfum de ma femme qui plane dans l'atmosphère. Non, ça vient de vous. Vraiment? Vous ne craignez pas d'être très franc pour un macro? Je me donne le droit d'être un peu brutal quand j'en ai envie. Je suis comme le bouffon du roi. Je sais deux, trois petites choses sur tout le monde. Conviez-moi au festin. Vous aimeriez ça, n'est-ce pas? Le premier ministre pratique-t-il le bondage? Le ministre de l'emploi est-il fétichiste? Les gens veulent toujours savoir qui d'autre que nage dans la merde. Votre réquisitoire est impitoyable. Ah bon? Vous ne pouvez pas faire le colporteur, vanter vos produits, puis monter sur vos grands chevaux et faire la morale quand quelqu'un achète. Pourquoi pas? Ce n'est pas équitable, vous ne trouvez pas? Même le diable succombe au péché. Au péché? Au péché? Mais depuis quand baiser des putes, c'est un péché? Nous voilà avec un macro puritain, Dieu tout-puissant. Comme vous devez souffrir quand vous encaissez vos chèques. Le boulot de macro a ses inconvénients. Encore récemment, je croyais dur comme fer que ma libido avait fichu le camp. J'en ai mal au cœur pour vous. Tout ce conflit interne, cela doit être l'enfer. Maintenant, si ça ne vous ennuie pas, j'ai quelques ordres d'expulsion à confirmer. Deux Asiatiques échoués sur l'île de Grain. Je vous laisse sortir tout seul. Mille merci. C'est ainsi que j'ai quitté le salon de cette limace, mon cœur plein de hargne, mais avec des bourdonnements dans la tête pour cette pétasse bien balancée, sa femme, et dans le hall, très clapcote, très Sanderson. Wrap me, baby, all night long. Cast a spell on me. Shake, rattle and roll me. Et pourquoi pas, mon gars? Baroudeur. J'ai une bécane. Je t'emmène? Sur le pont de Battersea, près du hot dog, à 3 heures. Tu m'enflammes. J'aime pas cette énergumène. On ne voit pas ses yeux. À l'avenir, négocier par téléphone. Ne jamais laisser le milieu s'infiltrer chez vous. Ah non. Toi, Mustapha, non. Tu rentreras chez toi à Karachi. Tra-la-la-la-la-l'air. À Karachi. Tra-la-la-la-la-l'air. C'est arrivé de faire le trajet plus vite sur une Norton. Il y a eu le ralentissement au rond-point de Malden. J'en ai tenu compte. La dernière fois, j'étais ici avec un Hells Angel de la bande de Milwaukee. J'ai été sa squaw pendant près d'une semaine. Et puis, il a été zigouillé à Birmingham, au noyé à Brighton. On n'avait pas grand-chose à se dire. Mon mari n'apprécierait pas l'idée que tu aies une liaison avec moi. Tu veux avoir une aventure avec moi? Ça m'a traversé l'esprit. J'ai signé un papier qui stipule que je dois m'abstenir de fréquenter ses amis ou ses relations de travail. Il va falloir que tu renégocies le contrat. Je suis un impondérable. Bon. Fais sortir Popol. Quoi? Ici? Oui. Au milieu des voitures. C'est ça qui est stimulant. Attends une minute. Je ne trouve pas le cadre très propice. Et puis c'est risqué. Même quand on a très envie. Il y a des gens qui regardent. Seulement quand ils vont dans la direction de Guildford. Un simple coup d'œil, à 100 à l'heure. C'est une voie où le stationnement est interdit, Noël. Angie. I'm in love with a wonderful guy. Once you have found him, let them go. Once you have found him, now they'll let him go. Oh, on va l'assassiner. Le criblé de plomb. Mon bel ange. Lui faire sauter la cervelle. Ma belle pécheresse. Le violer avec un guidon chromé. Démembré. Trancher son petit pénis de mec de droite. Je t'aime. J'enrage d'amour pour toi. Oh, c'est... Ça fait mal. Un motard de la police. D'un œil suspicieux, il regarde la moto de Noël. Emmène-moi dans un restaurant. Tout mieux, décrépit, avec des autocollants Pepsi Cola. Une orange en plastique, flottant dans un jus d'orange couleur urine. C'est votre moto? Foutez pas tout en l'air, vous. Vous avez posé une question. Est-ce que c'est votre moto? Ne foutez pas tout en l'air! pouvez lire une plaque minéralogique à 20 mètres. Vous étiez en train de nous écouter. Vous étiez là, regardez et écoutez. Espèce d'ordure. Ramène-moi chez moi. Noël, je me sens défoncé. Je crains que ce ne soit pas au programme. Entrez chez vous, ramené par un conducteur à moitié aveugle, après profération de menaces à l'encontre d'un individu inconnu, et surtout après tentative de meurtre prémédité. Non, ce n'est pas au programme. Va te faire foutre! Oh mon Dieu! Non! Démarre! Non! Démarre! Démarre! Une orange pressée. Deux. Jojo va en avoir une attaque d'apoplexie. Qu'il morfle. Il prend très à cœur la protection de nos policiers. Il est président du fonds de pension des veuves de la police. Il va arranger ça. Jojo est un sauvage. Il t'atteindra en douce. J'ai toutes les cartes en main. On peut se passer de bouffons de cour. Tu me sauveras. Sinon, on plongera ensemble. J'ai planté mes griffes dans sa chair. Je l'entraînerai dans la chute. 20 pence. Je te connais. Gros porc, escroc. Imbécile, salope. Asseyez-vous. La griffe, c'est ça? Le célèbre La griffe, c'est ça? Sale petit connard. Qu'est-ce qui vous prend? Il a foutu ma vie en l'air. Voilà ce qui me prend. J'avais un travail convenable quand je l'ai rencontré. Serveuse, de grande classe, avec d'énormes pourboires. Chez Fortnum & Mason. J'aurais pu devenir la chef du restaurant, mais non. Il a fallu qu'il s'amène et qu'il gâche tout. Le sale macro. Je te connais? Ouais, tu me connais. Tu m'as lâché. Nie-le donc. Quand j'ai été engrossée par un de ces sales clients, il m'a foutu à la porte alors que j'étais enceinte de 4 mois et que j'avais perdu mon fiancé. Je vois pas pourquoi on reste. Parce que ce salaud a foutu ma vie en l'air, voilà pourquoi. La griffe. Qui devait devenir si important. Et regardez-le, ce sale petit morveux, monsieur a réussi. Tu t'appelles Christine, non? Oui, il se rappelle de mon prénom. Quel miracle, après tout ce temps. Quelle mémoire pour les putains. Mes jambes ne sont pas exactement aussi belles maintenant, avec 3 gamins et un 4e en route. Tu veux pas me proposer un boulot? Rien au-dessous d'avocat? Comment tu vas, Christine? Comment je vais, Christine? Espèce d'hypocrite. 7 ans qu'on s'est perdu de vue et j'ai pas oublié ta gueule, binoclard, ni ta vieille mère, vous êtes une belle paire de salauds. Espèce d'ordure. Je te repointe jamais plus ici. Ou je lâche les bergers allemands sur toi. Thank you. mais cette odeur. C'est l'odeur du cannabis, à peine masquée par une vaporisation de déodorant. Donc elle aime ça, ça lui donne des maux de tête. C'est pour me contrarier. Elle multiplie les tracasseries dans l'espoir de me mettre finalement hors de moi. Comme pour tout le reste d'ailleurs, c'est un fiasco pitoyable. Comment était le débat ? Habile. Quelques discours corrects. L'opposition en loque, d'ailleurs, comme d'habitude. Puis vous êtes tous allés prendre un verre au bar des députés ? Naturellement. Une vie dure et difficile. Jojo, je veux que tu bloques une procédure judiciaire. Qui concerne qui ? Billy Dieu. Ton macro est en délicatesse avec les flics. Je suis désolée, mais il vaut mieux que tu le saches tout de suite. Comme ça, tu pourras étouffer l'affaire dans l'œuf. Tout ce que tu as à faire est de décrocher le téléphone, d'appeler ce putain de préfet de police et de lui dire ce qu'on dit dans ces cas-là. T'étouffes l'affaire. État d'urgence, secret défense, tu invoques ce que tu veux. Je peux même le faire à ta place. Cesse de bavasser. Que sais-tu ? Qu'a-t-il fait ? Il a frappé un flic. Oh bon sang. Avec quoi ? Une brique. Nom de Dieu. Il portait un casque. Pourquoi toi ? Pourquoi t'as-t-il appelé, toi ? Pourquoi ne m'a-t-il rien dit à moi ? Je suis la personne dont il a besoin, s'il a besoin de protection, pas toi. Pourquoi toi ? Eh bien... Eh bien ? J'étais avec lui au moment des faits. Nous étions à 25 km de Guilford, sur l'aire de stationnement, quand ce flic zélé s'est amené. Si tu pouvais crever, rien de plus que ça. Crever. Tomber totalement dans l'oubli. Oui, je comprends ça. On s'en serait bien tiré, mais tu sais comment ils sont. Il se jette sur le capot des voitures et tout, et tout. Celui-là s'est accroché à la plaque minéralogique arrière, qui s'est détachée. Alors tu vois, c'est une question de minutes avant qu'il ne déboule. Et je me suis rendu dans le bureau du Premier ministre. Et le vieux castor m'a regardé froidement. Ses demi-lunes reflétant la lumière du soleil qui filtrait entre les horse guards. Et il m'a dit « Jojo, cette femme est partie pour causer ta perte. Elle t'arrachera les couilles, elle brandira tes bijoux de famille à travers les rues. Achète-lui une voiture de sport, m'a-t-il dit. Tout ce que tu peux espérer, c'est un accident. » Il ne faut pas qu'elle passe en justice. Tu es d'accord ? Le flic m'a vu, Jojo. Il ne faut pas. Dieu merci. L'espace d'un instant, j'ai cru que tu envisageais de te faire harakiri en quittant le gouvernement. Un noyade garanti dans des trompes d'eau, d'égout. Après tout, il n'y a pas que toi, non ? Quoi qu'il en soit, je suis désolée d'avoir rompu notre accord. C'est seulement que... Quoi qu'il en soit, ça s'est produit. Oui. Assis là, comme un homard bouilli, avec un peu de bleu autour des oreilles. et dans son ventre, des pâtes et des boissons alcoolisées en train de fermenter, pendant qu'il complote une vengeance mesquine. Un beau jour, on surgit à l'improviste. On enfonce la porte à coups de pied comme une descente de police musclée. On les attrape et on jette de l'acide sur leur dos qui se tord de douleur. Un pas vide comme un bœuf. Les mains boudinées, faites pour caresser les stylos et les branches de lunettes. Les doigts cagneux, la peau de plus en plus tavelée à mesure qu'elle vieillit et porte les stigmates de fornication continuelle. Il a de petites traces de nourriture sur sa cravate, sur sa braguette, des taches de bouffe. Elle est parfois fatiguée. Il lui faut rester au lit avec des fortifiants. Elle a les poils pubiens plutôt gris. Il a le souffle court quand il monte les escaliers. Il oublie de changer ses slips. Termine-en avec lui, quand j'aurai arrangé tout ça. Cette histoire est intolérable, tu le sais. Oui. Impossible. Clapcote, appel interne. Oui, merci. J'ai horreur de ça. Clapcote, oui. Je veux qu'on étouffe une affaire. Bill Dew. Oui. Bill Dew. Agression d'un agent de police. Oui, j'en suis également désolé. Je comprendrai bien. Ça ne me plaît pas non plus. Près de Guildford. Sur l'aire de stationnement. L'aire de stationnement. Hier. Hier. Vers 15h. 15h, dans ces deux-là. Je vais très bien, merci. Et vous-même ? Parfait. Au revoir. Magnifique. Quand il s'agit de se protéger elle-même, la machine gouvernementale fonctionne à plein régime. Plus jamais. Dis donc, c'était pour toi. Tu ne voulais pas qu'il déballe tout au banc des accusés, si ? Plus jamais. Quelles qu'en soient les conséquences. Il faut que ce soit clair. J'espère que ça ne va pas t'embêter. Mais comme on n'était pas certain de la manière dont tu réagirais, j'ai pris la liberté de... Désolée, Jojo. Je lui ai demandé de venir. Noël, je veux dire. Il est là. Ne sois pas ridicule. Fais-lui entrer. Promets alors de ne pas faire en douille. Fais-le entrer. Noël ? Et je l'ai regardé. Elle était merveilleuse. Il y a une chose qu'on appelle la discrétion. Dans le parti Tory comme dans la vie, la discrétion, c'est ce qui fait la différence entre le succès et l'abject fiasco. Si vous avez de l'intégrité mais pas de discrétion, vous n'êtes rien. Si vous avez de l'éclat mais pas de discrétion, vous n'êtes rien. Mais si vous n'avez rien d'autre que la discrétion, alors vous êtes comme un dieu. Vous. Vous n'avez rien, ni discrétion non plus. Vous n'êtes qu'une merde. Je peux ouvrir la fenêtre ? Je suis votre macro. Plus maintenant, vous ne l'êtes plus. Je le suis toujours et à jamais. Dois-je comprendre que vous me menacez ? J'ai les croûts plantées dans vos mollets, a dit peu, et je ne lâcherai pas prise. La police abandonne les charges contre vous, votre lamentable petite agression restera impunie. Vous vous tirez en vitesse et vous dites merci. Je me tire ? Pour aller où ? Retournez dans les bas-fonds d'où vous venez. Dans les taudis, on vous a élevé, espèce de rat. Désormais, Je suis l'un des vôtres. Je suis votre père. C'est une erreur commune de croire que l'extravagance peut conférer un statut social. Les quelques sous que vous avez amassés en pataugeant dans le caniveau ne font pas de vous quelqu'un. Je suis votre maquereau. Il n'y a pas de ginger ale pour mettre dans le whisky ? Je suis votre maquereau. D'accord. Je me contenterai d'y mettre des glaçons. Retournez dans l'obscurité, Bildiou. Vous avez émergé, votre visage a vu la lumière, vous avez eu des privilèges. Celui de vous servir, de vous apporter des filles pour que vous les tripotiez avec vos grosses pattes, le privilège d'allonger des femmes dans votre lit, espèce de morue blanchâtre. Vous êtes écœuré. Pas par moi, par vous-même. Oui. Je ne suis pas écœuré. Je me tape des putes, je le reconnais, c'est une chose de la vie. Je ne suis pas écœuré quand je chie. C'est également une chose de la vie. L'écœurement, c'est votre problème. Vous avez horreur de vous-même. Je ne vous laisserai pas filer. Mes petites dents de rat sont plantées dans votre chair. N'essayez pas de vous attaquer à la classe dirigeante anglaise. Vous, fils de... De quoi, au juste ? De négrier borgne. Quel souci vétilleux des origines sociales. Vous êtes un maquereau bien délicat. Fraseur, menteur, baveux qui dégueulait votre poison goutte à goutte. Si on regardait la télé... Je ne suis pas l'un de ces délégués syndicaux que vous pouvez railler parce qu'il ne finit pas ses phrases. Je suis l'un des vôtres. La pourriture face à la pourriture. Je peux vous détruire, clapcot. Je pense que je vais m'en aller. Sers-nous un whisky, chérie. Elle et moi, on vous tient à notre merci. Angie, dis-lui qu'on a juré sa perte. Dis-le-lui. Je suis désolée, Noël. Quoi ? Eh bien, il n'en est pas vraiment question. De quoi ? Eh bien, tout ce qu'on a dit... Pas question ? Pas réellement, non. En pratique, vraiment, pas plus de réalité que mon apache. Tu le hais de toutes tes forces. Oui. Eh bien, alors ? Les salauds ! Comme c'est touchant. Bonjour aux gendarmes et aux voleurs sur l'aire de stationnement Easy Rider sur l'autoroute A23. Angie. J'aime cet endroit. C'est pas exactement que je l'aime. Simplement, c'est ma vie. Tu m'as piégée. Non, pas volontairement. Menteuse. Non, j'étais sincère. Il me faut mes moments de délire. Simplement, je ne peux plus changer maintenant. Tire-toi. Reste là. Tire-toi. Reste où tu es. Ne pars pas. Ne pars pas, je t'ai dit. Et moi, je l'aimais. Au moment même où elle me déchirait, mon cœur saignait. Je vais tout de suite voir la presse. Je vais tout leur déballer. Je vais vous démolir. La main-d'œuvre syndiquée file la diarrhée au Premier ministre. Les militants syndicalistes nous tiennent éveillés en pleine nuit à suer en réunion secrète. Mais les scandales, c'est ça qui fait bouillir la marmite de la bonne société. Tu parles ! Vous me donnez l'impression de quelqu'un qui va bientôt se suicider. Je vais vous liquider. Vous paierez pour les autres. Et puis, peut-être après, je me tuerai. Avant que vous... Je pense que vous devriez savoir... Kanji, en parlant de vous, a dit que s'il y avait une chose dont elle était sûre, c'est que vous n'aviez absolument aucun droit. Descendez-moi donc ! Descendez-moi ! Clapcote, appel d'urgence. Tout va bien, monsieur ? Tout va bien, madame ? C'est lui, n'est-ce pas ? Uh-huh. Avance. La griffe t'aimait. Et tu lui as pissé dessus. Vous auriez dû me tirer dessus. Vous le regretterez. Je réussirai à percer un bloc de granit pour vous détruire. Aucune prison ne me retiendra, Capcott. Non, aucune prison. Avance. J'ai eu très peur. À un moment donné, j'ai senti mes tripes, les muscles de mes tripes, lâchés. Comme pendant la guerre en Crète, quand ils nous larguaient des bombes dessus. Mais cette fois, je me suis maîtrisé. Quand il avait son arme braquée sur toi? Quand il a dit qu'il allait alerter la presse. Il va se déverser une telle quantité de merde? Je ne crois pas. Au moment où il a saisi le revolver, j'ai su dans l'hypothèse où moi je survivrais ce qui allait lui arriver. Ni publicité, ni tribunal, ni rien. Pas un cri. Jojo, après toute la pourriture qui m'a sali, personne ne me remue le ventre comme toi. Tu me glaces le sang. Je vais réserver une table. On y va? On y va? On va déjeuner. Salle d'hôpital. Lily et Lusby. Ils portent de courtes vestes blanches comme des serveurs et ont des serviettes de table sur l'avant-bras. Et il m'a demandé, c'est pas à la Borgante que j'ai fait votre connaissance? Vous étiez assis à regarder les femmes qui s'assemblent là le samedi entre deux séries de courses, à regarder les filles qui boivent et qui fument en jupe courte. Et j'ai répondu que peut-être bien, que j'avais l'habitude de fréquenter les cafés, non que je sois porté sur la boisson, mais parce que j'aime les endroits où il y a du bruit. Alors c'est bien là, il m'a dit. J'avais plusieurs endroits en tête, mais le fait que vous connaissiez celui-ci m'a décidé. Le sac est au sous-sol. Je lui ai dit « Au revoir, capitaine. » Il m'a fait un salut très professionnel. Comme il avait été formé dans l'armée anglaise, il accordait beaucoup d'attention à ces détails, comme nous le faisons tous d'ailleurs. On aime se voir comme un régiment d'élite, pas comme des amateurs au dos voûté formés à l'université. La Borgorne était bondée. Il m'a semblé que je pouvais me soustraire à la formalité de commander un café et me contenter de déposer le sac. Qui prêterait attention dans ce tohu-bohu? Mais je me suis ravisé, suivant les instructions à la lettre et me souvenant que je devais faire bonne impression et ne pas chercher à gagner du temps. J'ai fait la queue, ballottant mon fourre-tout et leur nouveau sac en papier rigide, me disant que dans cette queue, ceux qui boiraient très vite, ceux qui avaleraient tout d'une seule gorgée pour être précis, s'en sortiraient indemnes. Deux pétasses derrière moi m'ont tapé dans l'œil. Elles avaient la jupe remontée au maximum et gloussaient. À mon grand regret, elles ont commandé un steak and kidney pie avec deux sortes de légumes. Alors c'était clair qu'elles n'allaient pas en sortir entières. Et je me suis dit, il y a de la chatte à baiser. Ce serait du gâchis si elles étaient blessées, mais je n'étais pas en mesure de faire le difficile et de décider qui devait mourir ou qui devait vivre. J'ai commandé un milkshake à la framboise parce que je savais à quel point ils servaient le thé chaud dans cet endroit-là. Les boissons à moitié vides semblent suspectes. Et j'ai choisi une table bien au fond. L'explosion aurait été gaspillée si j'avais placé l'engin près de la fenêtre. J'ai mis le sac entre mes pieds. Un type assez vieux m'a regardé. Je les regardais fixement à mon tour. Deux femmes m'ont rejoint. Elles étaient engagées dans une interminable discussion sur les housses. Je ne sais pas de quoi elles parlaient. J'ai bu ma boisson, un œil sur ma montre, me disant « Lily, tu es à moins de 10 minutes de l'éternité. » Cette pensée m'a traversé l'esprit. Elle m'a frappé d'une drôle de façon. Et le chef a dit « Ce boche de Podola, il pesait 70 kilos quand il est arrivé, n'est-ce pas ?»« Exact, et je dis en conséquence, il faudra qu'il tombe de 1,75 m, d'après la table de calcul. »« Le facteur que vous avez négligé, dit-il, c'était un homme bon. » Je ne l'ai jamais vu en colère, il était comme un père pour moi. Le facteur que vous avez négligé, c'est la perte de poids. Il y avait des centaines de chances contre une qu'il prenne du poids dans la cellule des condamnés à mort. Il a donc suggéré que Podola le Boche pourrait peser 6 kilos de moins, ce qui fait qu'il suffisait qu'il tombe d'1,45 m. La plus petite chute jamais vue de toute ma brève expérience. Quand nous sommes allés le chercher, je lui ai dit... J'ai le pressentiment que ça va pas être facile. Me souvenant que Bentley s'était débattu. On avait fait toute une affaire, on avait dû le tirer dans le couloir et ses talons avaient carrément laissé des marques sur le sol. Et il hurlait tellement qu'on aurait dit qu'il allait nous crever les tympans. Et le chef, dans l'un de ses rares moments de colère, avait dit qu'il ne pouvait pas se concentrer. Il avait même fait le nœud à l'envers. Tout le monde était tendu. Et même dans ces conditions-là, je n'ai jamais pu me résoudre à utiliser des sédatifs. Car ils auraient entièrement détruit l'atmosphère et le mystère de la cérémonie, qui est après tout d'une grande importance pour le client, et qui mérite d'être accompli dans les formes. C'était pas un mauvais bougre, ce Boche de Podola. Il était plutôt malingre, et il s'est laissé passer la corde au cou très facilement, tout en braillant dans sa langue des insanités, j'imagine. Ou plus vraisemblablement, il plaidait sa cause. Et mon chef avait l'air magnifique, imperturbable au moment où il lui a passé la corde autour des oreilles. Et puis comme par la magie de son contact, le Boche s'est tu et a baissé la tête, comme s'il avait honte d'avoir fait un tel boucan devant un homme de la qualité du chef, qui avait une sorte de sainteté, plus grande que celle du prêtre à mon avis. Il y avait là une forme de foi dans cet authentique talent du chef. Et alors le prêtre s'est arrêté et est resté en arrière. Ma main était sur le levier et le chef a fait un peu avancer Podola, doucement. Et j'ai attendu le signal, mes yeux fixés sur ceux du chef. Le minutage a été parfait, et j'étais rempli d'admiration pour son bon goût et sa dignité. Puis enfin, il m'a fait un léger signe de tête, comme un archevêque qui me bénirait, et j'ai actionné le levier, et le Boche est tombé d'1,45 m, à destination de sa dernière érection. Et après, comme d'habitude, il m'a serré la main, d'abord, et j'ai eu envie de lui baiser les doigts parce que j'étais en présence d'un maître et que je savais que jamais je serais à sa hauteur. Et c'était l'heure de la fermeture et j'avais suffisamment bu pour me sentir délivré de ma détresse et donc je me sentais comme Popeye quand il a ingurgité ses épinards, souple comme un félin dans mes tennis, n'ayant aucunement la tête à roupiller ni à baiser d'ailleurs. Même s'il y avait eu des femmes qui m'auraient pris comme amant, même flanquées de leur mari, si je leur avais demandé, car j'étais un héros. Et je racontais de temps à autre ce que j'avais fait pour la brigade, quand on avait souhaité m'employer. La lune brillait, et c'était une soirée parfaite pour faire la peau à quelqu'un. Et il y avait sûrement quelques disparitions qui se préparaient dans des ruelles ou des fermes isolées. D'y songer éveillait en moi le désir d'en être témoin dans l'embrasure d'une porte, au moment où l'ombre de l'homme mort viendrait à ma rencontre en réponse à mon petit coup. Et quand j'ai aperçu cet homme à quelques centaines de mètres de distance, mon cœur était fou de joie et j'ai accéléré le pas pour le rattraper parce qu'il était pressé de rentrer chez lui et de se blottir dans son lit. Il se trouvait à côté des panneaux d'affichage de Dolly Street quand je l'ai zigouillé dans la lumière pâle des HLM sous une affiche pour le rhum Lamb's Navy, si je me souviens bien. Et je peux dire honnêtement que je n'ai jamais aperçu son visage. J'ai détourné la tête et n'ai pas vu couler le sang J'avais le cœur léger comme un moineau. Mes épaules étaient soulagées d'un grand poids quand j'ai descendu Leifer Street à toute vitesse en coupant à travers la ruelle derrière Woolworths. Et c'est là qu'ils m'ont attrapé. Le barillet encore chaud et la poudre répandue dans ma poche. Et ils m'ont jeté face contre terre dans le fourgon des flics. Et se sont assis sur moi l'un après l'autre pendant qu'on traversait en trombe le secteur de Cregan. Moi, le nez en sang et les doigts à vif suite aux écorchures provoquées par les coups de bottes et de crosses de fusil. Et il était 4 heures précises. Je le savais parce que j'entendais Big Ben, dont les coups retentissaient au-dessus de moi. Et le chef, qui avait été dans la tribune du public, élégant comme un notaire dans son costume rayé, a traversé la cour du palais de Westminster, le visage gris et le pas lent, ce qui fait que j'ai su avant même de lui ouvrir la portière de la voiture que les choses avaient mal tourné pour nous. Le résultat des votes avait été de 200 voix pour l'abolition et de 48 contre. Il a sorti une petite flasque de sa poche. « Ramenez-moi chez moi », c'est tout ce qu'il a dit. Il pleut. Tu veux que j'allume ? J'ai la sensation qu'on est dans le Berkshire. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai la sensation qu'on est à la campagne parce que, bien que les vitres soient trop hautes, j'étais en colère. Mais à présent, j'ai peur. Parce qu'il me semble que, tout bien considéré, personne n'a dû s'émouvoir de mon sort. C'est une pensée terrible, mais je dois l'affronter. Ils ont probablement tout arrangé, comme ils ont tout arrangé quand j'ai tabassé le flic, et personne ne s'est ému de rien. Je ne vois rien qui m'autorise à penser que je sortirai d'ici. Non pas que je ne serais pas disposé à coopérer de quelque manière que ce soit, en acceptant d'être drogué ou de subir une opération du cerveau pour qu'on efface ma mémoire. Mais on ne m'a rien proposé de tel. J'aurais accepté n'importe quelle condition sans hésiter. Mais ils n'ont rien proposé. Et alors, ils m'ont amené dans une petite pièce qui sentait le renfermé, où il faisait chaud, et par-dessus tout silencieuse. Et sans dire un mot, ils ont fermé la porte. Et je me suis dit que tout allait bien, et je me suis assis. Et ce n'est que petit à petit que je me suis rendu compte qu'elle n'était pas silencieuse, mais qu'il y avait comme un martèlement. Je ne pouvais pas dire d'où il venait, mais il résonnait de plus en plus fort. Et il semblait être en moi, dans mes oreilles et dans mon corps. Et plus il m'effrayait, et plus ce martèlement était fort et rapide. Jusqu'au moment où j'ai cru que j'allais perdre Louis. Et là, j'ai su. C'était mon cœur que j'entendais. Et le goutte à goutte du sang à travers les ventricules de mon cœur était comme un courant sonore et mes paupières se fermaient comme une porte qui claque. Et j'ai hurlé. « Faites-moi sortir d'ici, je vous dirai tout bordel, tout bande de connards !» Et ils ont ouvert la porte d'acier et le monde s'est rué à l'intérieur et ils m'ont traîné vers une table et j'ai jacassé comme un singe, leur avouant tous les meurtres que j'avais commis et tout ce dont je pouvais me souvenir sur la brigade. Et là, alors que je m'attendais à être emmené en prison et voué à une lourde peine, on m'a fait venir dans une pièce spéciale et deux Anglais, en costume civil, m'ont demandé si j'étais intéressé par un certain privilège. Continuez, j'ai dit. J'ai toujours aimé les privilèges. On recherche des gars dans votre genre, m'ont-ils dit. qui seront graciés en échange de certains services. Mon genre ? Ai-je dit. S'il vous plaît, c'est quoi mon genre, au juste ? Et ils ont mentionné ce poste dans le Hampshire. Et j'ai dit oui. Je voulais être gracié par Sa Majesté. Et nous étions là, à faire ensemble nos valises, à décrocher du mur les cartes postales, à vider les tiroirs, à enlever la moindre trace de notre existence, dans cette petite pièce de Wandsworth, où nous faisions du thé et regardions dehors ce qui se passait, cependant que le chef me comblait d'anecdotes sur les vacances de sa famille, et où nous avions regardé les condamnés qui marchaient en contrebas. Et notre petite pièce me paraissait triste, surtout quand je repensais à toute la gaieté que nous y avions connue. Le chef allait prendre l'avion pour l'Afrique du Sud. Il emmenait sa femme et ses enfants avec lui, en partance pour une nouvelle vie dans un nouveau pays. Mais moi, je n'avais nulle part où aller. Aucun avenir et aucune perspective. Et je me sentais au bout du rouleau quand le vieux téléphone noir a sonné et quand une voix m'a demandé si je voulais bien me rendre dans la pièce 711A parce que ces messieurs voulaient me voir. Et j'ai su immédiatement, au fond de mon cœur, que le gouvernement de Sa Majesté ne lâcherait pas un type qui fait bien son boulot, ne le livrerait pas brutalement à la rue comme un vieux repris de justice, parce que son artisanat était soudain devenu obscène, mais il s'arrangerait pour le caser quelque part parce que la loyauté authentique n'est pas si répandue de nos jours. Il y avait là deux messieurs en imperméable qui m'ont dit qu'ils recrutaient une équipe de personnes triées sur le volet pour s'occuper d'une certaine catégorie de criminels. J'ai dit que je considérerais comme un honneur de travailler dans un domaine aussi spécial pour le compte des meilleurs patrons qui soient au monde. Hungry, so hungry for love. Est-ce que vous allez me tuer? Parce que si c'est le cas, je veux le savoir. Est-ce que vous savez combien d'enfants illégitimes les Beatles ont eu à eux tous? Dites-moi, s'il vous plaît. 18. Dites-moi, s'il vous plaît, dites-moi. Vous voulez tout savoir? Où suis-je? Dieu, au secours! Hungry, so hungry for love. Bidou, toi qui as connu la prison, guide-moi. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Viens à mon secours à présent. Ne m'abandonne pas. Papa! Doucement, Bill Dew se matérialise, en pyjama et robe de chambre. Il est très vieux, très fatigué. Je suis à l'hospice de Saint-Francis. 40 dans la même pièce. Dans la puanteur de l'urine et de la chair en phase terminale. Et parfois, par-dessus le bruit des casseroles qui s'entrechoquent, on entend des enfants dans le parc. J'ai peur. Aide-moi. Noël, ils vont t'assassiner. Je le savais. Je le sentais. Ne m'abandonne pas. Je me meurs. Noël, conseille-moi. Fais-moi profiter de ton expérience. Les dernières paroles testamentaires de Bill Dew. À son fils. « J'ai toujours été seul. Toute ma vie. Seul. Et sans espoir de quoi que ce soit. Non. Repars à zéro. Je n'ai pas tout ce temps. La première vérité est qu'il n'y a pas de Dieu. Que lorsqu'une lettre t'ordonnant de servir le gouvernement, de mourir pour lui, ou de t'incliner devant lui atterrit sur ton paillasson, elle n'est pas venue d'une lointaine galaxie, mais d'un individu, d'un homme, d'un être humain qui existe et n'est rien de plus que toi et qui est peut-être moins que toi. Et la seconde vérité qui découle de celle-là est que ce qui est n'est pas ce qui doit être, mais ce que nous avons permis. Et la conséquence qui dérive de cela, c'est que nous pouvons changer les choses. Voilà ce que j'ai découvert à travers les malheurs de ma sinistre vie. Je serais volontiers un pion. Je serais heureux de mettre à exécution les ordres du plus vil des reptiles qui me laisseraient simplement ramper. Ils ne te laisseront pas ramper. Ils vont t'éliminer. Et il ne restera même pas une petite trace de toi. Et alors ? J'ai essayé de te le dire. Garde ta colère pour les gens de ta classe. Ils n'ont pas pu assassiner le peuple entier. Bill Dew, je veux mourir dans un lit. Il n'y a rien de merveilleux là-dedans. Les draps qui puent, recouvrant le matelas, ce n'est pas un privilège. Dis-moi comment mourir, alors. Convainc-les, Noël. Convainc-les avec votre souffrance commune. Trouve l'éloquence de Lénine. Lèche-les, abolis leur cruauté. Je ne suis pas un orateur, je n'ai pas le vocabulaire. Trouve-le, dans l'urgence, ton cerveau fera des heures supplémentaires. Ils sont lourds comme des paquets de merde. Ne les méprise pas, convainc-les, Noël. Aide-moi à démarrer. Sois cohérent. Gagne leur amour. Ne pars pas. Donne-moi une phrase. Bill Dew. Hungry, so hungry for love. Hungry. La griffe, c'est mon surnom. Je l'avais inscrit sur mon dos avec des clous. Des clous sur un blouson en cuir, comme un rocker. Mais je ne suis pas un rocker, à proprement parler. Juste un branleur qui aurait été rocker s'il avait pu. Mais en réalité, personne. Et la griffe, c'était simplement ma façon de dire « Je suis là ». Noël Bill Dew, surgit de nulle part, mais flashy avec ça. Le roi du trottoir. La griffe et la loi. Ok ? Ok. Alors j'ai cru que j'étais quelqu'un. Mais on a tous besoin de penser qu'on est quelqu'un. Dans toute l'Angleterre, il y avait des jeunes comme moi qui se faisaient appeler Tiger, Raven et Blade. Et tous, on l'affichait de façon voyante sur nos clous. Vous savez, en insistant sur le fait que nous, on cédait la place à personne sur le trottoir. C'était aux mamies de descendre du trottoir, et on se faisait bousculer par les flics. Mais ça, on l'acceptait parce qu'après les flics, il y avait nous, dans le royaume animal. Vous savez tout ça. Mais de tous ces jeunes, seule une poignée s'en est sortie. Et les autres désossent des voitures à la casse ou sont livreurs pour les boulangeries tip-top. Ils commencent à perdre leurs cheveux, et plus aucun d'entre eux ne porte de clous, mais ils portent le nom de leur employeur sur leur salopette. McLean, Accrez Bakers, Dunlop, Royal Engineers. Et ils ne savent pas à quoi ils en sont réduits, où ils ont cessé d'essayer. Et ils gardent la tête basse, et ils ont des gamins, et ces gamins se surnomment déjà les Battersea Skinheads, ou le gang de Streatham Park, et ils pensent qu'ils font la loi, ok? Vous savez tout ça. Mais la griffe s'était fixé un objectif ambitieux. Il avait en tête King's Road et Chelsea. Il rêvait à des portefeuilles en cuir de porc bourrés de cartes de crédit. Et parce qu'il ne voulait pas courber la tête, il s'était introduit en contrebande, en passant non par l'entrée principale, mais par la cuisine graisseuse. Donc ses mains étaient sales quand il s'asseyait à leur table recouverte de nappes blanches. Mais moi, j'étais là. Et il y en avait peu, comme moi, avoir fait ce que j'avais fait, qui n'avaient pas été délavés par Oxford et Cambridge, au point d'avoir à se gratter la tête pour se souvenir d'où ils avaient été vomis. Et j'ai vu de très près ce que vous n'avez jamais imaginé. J'ai vu qui faisait la loi. Ok. Qui avais-je cru être? Qui avait dû faire commerce d'immondices pour renifler leur mauvaise haleine? J'ai commencé à haïr dans les cours de récré crasseuse, quand ils me faisaient avancer à genoux et me pissaient dessus dans les toilettes, parce qu'il y a des gens comme moi qui sont des souffres-douleurs nés. Je ne suis pas un ange, mais j'ai vu des choses. Et j'ai vu des choses qui font passer les agressions de vieilles dames pour de la générosité sans borne, parce que nos petites chamailleries et nos bagarres de cours de récré, nos petits meurtres dans les entrées des HLM sont à peine des crimes comparés à ce crime qu'ils commettent sur nous tous, que leur brutalité rend fou. Et il n'y a aucun flic pour nous protéger de leurs griffes, leurs grosses griffes qui nous balafrent, qui nous divisent, leurs grosses griffes qui nous lacèrent le visage et éventrent nos rues quand leurs jaguars se nourrissent de nos troupeaux indolents. Nous n'avons rien, sinon les autres, notre néant commun et notre amour l'un pour l'autre et notre refus de nous détruire les uns les autres. Comme une classe d'écoliers, nous ne dénoncerons pas le voleur. Défendez-moi. Ne m'assassinez pas. Thank you. suis heureux d'être à présent en mesure de rassurer le Parlement. Suite à la publication de l'enquête ouverte pour élucider les causes de la mort de Noël Bildiou, malade interné à l'hôpital psychiatrique de Spencer Park, dans le Hampshire, il paraît incontestable que la mort a été accidentelle et ne met en aucun cas en cause les compétences ou le dévouement du personnel. Je voudrais saisir cette occasion pour rappeler au Parlement que le nombre de décès accidentels dans les hôpitaux psychiatriques est à l'heure actuelle sensiblement inférieur à 20 par an, et que ce qui à première vue pourrait apparaître comme un taux de mortalité accidentelle à Spencer Park ne constitue nullement une exception, même si je m'empresserai d'ajouter que personne, au ministère de la Santé ou au ministère de l'Intérieur, ne juge ces chiffres avec complaisance ou ne les considère comme acceptables. J'insisterai cependant sur le fait qu'il y a un manque criant de personnel dans un domaine des soins infirmiers qu'à juste titre, tout le monde ne considère pas comme le plus agréable. C'était La Griffe, Odyssée de Howard Barker. Traduit de l'anglais par Jean-Michel Desprats et Nicolas Riponce. Avec Denis Lavant, Noël Bildiou, La Griffe. Christine Gagneux, Mrs. Bildiou. Jean-Louis Greenfeld, Bildiou, son mari. Sophie Bouilloux, Nora. Dominique Guillard, Clapcote, ministre de l'Intérieur. Stella Serfati, Angie, sa femme. Clotilde Morgiève, Christine, serveuse. Jean-Luc de Baptiste et Stéphane Valency, Lily et le psy, les infirmiers. Charles Ardillon, l'agent de police. Dominique Massa, l'assassin. Philippe Dorios, le motard de la police. Bruitage, Bertrand Amiel, Frédéric Antoine. Prise de son, montage et mixage, Rémi Fessard, Éric Villenfin. Assistant, Guy Péramour. Réalisation, Michel Sidorov. Enregistrement effectué en extérieur, à Paris, Petite Ceinture, et à Villejuif, en janvier 2004. Remerciements au Horses Tavern, rue de l'Odéon à Paris, et à Louis-Bernard Zajdela, sculpteur.